Chapitre 11. Jeannette, la voleuse. Madeleine avait reçu les éloges que méritait son généreux sacrifice. 3 jours s'étaient passés depuis la disparition de la poupée. Marguerite attendait avec une vive impatience que quelqu'un allât à Paris pour lui apporter la poupée promise. En attendant, elle s'amusait avec celle de Madeleine. Il faisait chaud et les enfants étaient établis dans le jardin, sous des arbres touffus. Madeleine lisait. Camille tressait une couronne de pâquerettes pour la poupée, que Marguerite peignait avant de lui mettre la couronne sur la tête. La petite boulangère, nommée Suzanne, qui apportait 2 pains à la cuisine, passa près d'elle. Elle s'arrêta devant Marguerite, regarda attentivement la poupée et dit « Elle est tout de même jolie, votre poupée, mamselle. » « Tu n'en as jamais vu de si jolie, Suzanne ?»« Pardon, mamselle, j'en ai vu une plus belle que la vôtre, et pas plus tard qu'hier encore. »« Plus jolie que celle-ci ? Où donc, Suzanne ?»« Ah, près d'ici, bien sûr, elle a une belle robe de soie lilas. C'est Jeannette qui l'a. » « Jeannette, la petite meunière? Et qui lui a donné cette belle poupée ?»« Oh, je ne sais pas, mamselle, elle l'a depuis 3 jours. » Camille, Madeleine et Marguerite se regardèrent d'un air étonné. Toutes 3 commençaient à soupçonner que la jolie poupée de Jeannette pouvait bien être celle de Marguerite. « Et cette poupée a-t-elle des sabots ?»« Oh, pour ça, non, mamselle. Elle a un pied chaussé d'un beau petit soulier bleu, et l'autre est nu. Elle a aussi un petit chapeau de paille avec une plume blanche. » C'est ma poupée, ma pauvre poupée, que j'ai laissée il y a 3 jours sous un chêne, lorsqu'il a fait un si gros orage, et que je n'ai pas retrouvée depuis. Ah ben, Jeannette m'a dit qu'on lui avait donné la belle poupée, mais qu'il ne fallait pas en parler parce que ça ferait des jaloux. Laisse aller, Suzanne, et courons dire à maman ce qu'elle vient de nous raconter. Camille, Madeleine et Marguerite se levèrent et coururent au salon où madame de Fleurville était à écrire pendant que madame de Rosbourg jouait du piano. « Madame, madame, voulez-vous nous laisser aller au moulin? Jeannette a la poupée de Marguerite, il faut qu'elle la rende !»« Quelle folie, mes pauvres enfants, vous perdez la tête! Comment est-il possible que la poupée de Marguerite se soit sauvée dans la maison de Jeannette ?» « Mais, madame, Suzanne l'a vue. Jeannette lui a dit de ne pas en parler et qu'on la lui avait donnée. »« Ma pauvre fille, c'est quelques poupées de 25 sous habillées en papier qu'on aurait données à Jeannette et que Suzanne trouve superbes parce qu'elle n'en a jamais vu de plus belle. »« Mais non, madame, c'est bien sûr ma poupée. Elle a une robe de taffetas lilas, un seul soulier de satin bleu et un chapeau de paille avec une plume blanche. »« Écoute, ma petite Marguerite, va me chercher Suzanne. » Je la questionnerai moi-même, et si j'ai des raisons de penser que Jeannette a ta poupée, nous allons partir tout de suite pour le moulin. » Marguerite partit comme une flèche et revint 2 minutes après, traînant la petite Suzanne, toute honteuse de se trouver dans un si beau salon, en présence de ces dames. « N'aie pas peur, ma petite Suzanne, je veux seulement te demander quelques détails sur la belle poupée de Jeannette. Est-il vrai qu'elle a une poupée très jolie et très bien habillée ? « Pour ça, oui, madame, elle est tout à fait jolie. »« Comment est sa robe ?»« En soie lilas, madame. »« Et son chapeau ?»« En paille, madame, et tout rond, avec une plume blanche et des affiquets de velours noir. » »« T'a-t-elle dit qui lui avait donné cette poupée ?»« Pour ça, non, madame, elle n'a point voulu nommer personne, parce qu'on le lui a défendu, qu'elle dit. »« Y a-t-il longtemps qu'elle a cette poupée ?»« Il y a 3 jours, madame. » Elle dit qu'elle l'a rapportée de la ville le jour de l'orage. « Merci, ma petite Suzanne. Tu peux t'en aller. Voici des pralines pour t'amuser en route. » Et elle lui mit dans la main un gros cornet de pralines. Suzanne rougit de plaisir, fit une révérence et s'en alla. « Cher ami, dit madame de Fleurville à madame de Rosbourg, il me paraît certain que Jeannette a la poupée de Marguerite. Allons-y toutes. Mettez vos chapeaux, petites, et dépêchons-nous de nous rendre au moulin. » Les enfants ne se le firent pas dire 2 fois. En 3 minutes, elles furent prêtes à partir. Tout le monde se mit en marche. Au lieu de la consternation et du silence qui avaient attristé la même promenade 3 jours auparavant, les enfants s'agitaient, allaient et venaient, se dépêchaient et parlaient toutes à la fois. Elles marchèrent si vite qu'on arriva en moins d'une demi-heure. Les petites allaient se précipiter toutes trois dans le moulin en appelant Jeannette et en demandant la poupée. Madame de Rosbourg les arrêta et leur dit « Ne dites pas un mot, mes enfants, ne témoignez aucune impatience. Tenez-vous près de moi et ne parlez que lorsque vous verrez la poupée. » Les petites eurent de la peine à se contenir. Leurs yeux étincelaient, leurs narines se gonflaient, leurs bouches s'ouvraient pour parler, leurs jambes les emportaient malgré elles. Mais les mamans les firent passer derrière, et toutes cinq entrèrent ainsi au moulin. La meunière vint ouvrir, fit beaucoup de révérences et présenta des chaises. « Asseyez-vous, mesdames, mesdemoiselles, voici des chaises basses. » Madame de Fleurville, madame de Rosbourg et les enfants s'assoient. Les trois petites s'agitent sur leurs chaises. Madame de Rosbourg leur fait signe de ne pas montrer d'impatience. « Eh bien, mère Léonard, comment cela va-t-il ? » ? « Madame est bien honnête, ça va bien, Dieu merci. » « Et votre fille, Jeannette, où est-elle ? » ?»« Ah, je ne sais point, madame. Peut-être bien au moulin ? » ?»« Mes filles voudraient la voir. Appelez-la, donc. »« Jeannette ! Jeannette ! Jeannette, arrive donc ! Où t'es-tu fourrée ?»« Elle ne vient point. Faut croire qu'elle n'ose pas. »« Pourquoi n'ose-t-elle pas ? » ?»« Oh, quand elle voit ces dames, ça lui fait toujours quelque chose. Elle s'émotionne de la joie qu'elle a. » Je voudrais bien lui parler, pourtant. Si elle est sage et bonne fille, je lui ai apporté un joli fichu de soie et un beau tablier pour les dimanches. La mère Léonard s'agite, appelle sa fille, court de la maison au moulin et ramène, en la traînant par le bras, Jeannette, qui s'était cachée et qui se débat vivement. « Vas-tu pas finir, méchante ? Mal apprise ! Je veux m'en aller, lâchez-moi, j'ai peur !»« De quoi que t'as peur, sans cœur ? Ces dames vont-elles pas te manger ? » Jeannette cesse de se débattre. La mère Léonard lui lâche le bras. Jeannette se sauve et s'enfuit dans sa chambre. La mère Léonard est furieuse. Elle craint que le fichu et le tablier ne lui échappent. Elle appelle Jeannette. « Méchante enfant ! » s'écrie-t-elle. « Petite drôlesse ! Je te vas quérir et je te vas cingler les reins, tu vas voir !» Madame de Fleurville l'arrête et lui dit « N'y allez pas, mère Léonard. Laissez-moi lui parler. » Je la trouverai, allez, je connais bien la maison. » Et madame de Fleurville entra chez Jeannette, suivie de la mère Léonard. Elles la trouvèrent cachée derrière une chaise. Madame de Fleurville, sans mot dire, la tira de sa cachette, s'assit sur la chaise et, lui tenant les deux mains, lui dit « Pourquoi te caches-tu, Jeannette ? Les autres fois, tu accourais au-devant de moi quand je venais au moulin. » Pas de réponse. Jeannette reste la tête baissée. « Jeannette, où as-tu trouvé la belle poupée qu'on a vue chez toi l'autre jour ?»« Suzanne est une menteuse. Elle n'a point vu de poupée. Je ne lui ai rien dit. Je n'ai parlé de rien. C'est des menteries qu'elle vous a faites. » « Comment sais-tu que c'est Suzanne qui me l'a dit ?»« Parce qu'elle me fait toujours de méchantes choses. Elle vous a conté des sottises. Mais encore une fois, pourquoi accuses-tu Suzanne puisque je ne l'ai pas nommée ?» « Faut pas croire Suzanne ni les autres. Je n'ai point dit qu'on m'avait donné la poupée. Je n'en ai point de poupée. C'est tout des menteries. Plus tu parles, et plus je vois que c'est toi qui mens. Tu as peur que je ne te reprenne la poupée que tu as trouvée dans le bois le jour de l'orage. Je n'ai peur de rien. Je n'ai rien trouvé sous le chêne. Et je n'ai point la poupée de mademoiselle Marguerite. » « Comment sais-tu que c'est la poupée de mademoiselle Marguerite que je te parle et qu'elle était sous le chêne ?» Jeannette, voyant qu'elle se trahissait de plus en plus, se mit à crier et à se débattre. Madame de Fleurville la laissa aller et commença la recherche de la poupée. Elle ouvra l'armoire et le coffre, mais n'y trouva rien. Enfin, voyant que Jeannette s'était réfugiée près du lit, comme pour empêcher qu'on ne cherchât de ce côté, elle se baissa et aperçut la poupée sous le lit, tout au fond. Elle se retourna vers la mère Léonard et lui ordonna d'un air sévère de retirer la poupée. La mère Léonard obéit en tremblant et remit la poupée à madame de Fleurville. « Saviez-vous, dit madame de Fleurville, que votre fille avait cette poupée ?»« Pour ça non, ma bonne chère dame, répondit la mère Léonard. Si j'avais su, je la lui aurais fait reporter au château, car elle sait bien que cette poupée est à mademoiselle Marguerite. Nous l'avions trouvée bien jolie la dernière fois que mademoiselle Marguerite l'a apportée. » « Ah, mauvaise créature, vilaine petite voleuse, tu vas voir comme je te corrigerai. Je t'apprendrai à faire des voleries et puis des menteries encore, que j'en suis toute tremblante. Je voyais bien que tu mentais à madame. Dès que tu as ouvert ta bouche, pleine de menterie. Tu vas avoir le fouet tout à l'heure. Tu ne perdras rien pour attendre. » Jeannette pleurait, criait, suppliait, protestait qu'elle ne le ferait plus jamais. La mère Léonard, loin de se laisser attendrir, la repoussait de temps en temps avec un soufflet ou un bon coup de poing. Madame de Fleurville, craignant que la correction ne fût trop forte, chercha à calmer la mère Léonard et réussit à lui faire promettre qu'elle ne fouetterait pas Jeannette et qu'elle se contenterait de l'enfermer dans sa chambre pour le reste de la journée. Les enfants étaient consternés de cette scène. Les mensonges répétés de Jeannette, sa confusion devant la poupée retrouvée, la colère et les menaces de la mère Léonard les avaient fait trembler. Madame de Fleurville remit à Marguerite sa poupée sans mot dire, dit adieu à la mère Léonard et sortit avec madame de Rosbourg, suivie des trois enfants. Elle marchait depuis quelques instants en silence lorsqu'un cri perçant les fit toutes s'arrêter. Il fut suivi d'autres cris plus perçants, plus aigus encore. C'était Jeannette qui recevait le fouet de la mère Léonard. Elle la fouetta longtemps, car à grande distance, les enfants qui s'étaient remis en marche entendaient encore les hurlements, les supplications de la petite voleuse. Cette fin tragique de l'histoire de la poupée perdue les laissa pour toute la journée sous l'impression d'une grande tristesse, d'une vraie terreur.